Deuxième partie de cette campagne 2020 qu'on appelle les oubliés du numérique. Je vous invite à écouter la première partie sur microouvert.be. Il y a une archive, là, il y a un document sonore que vous pouvez écouter gratuitement comme vous le voulez, quand vous le voulez. Pour comprendre un peu mieux, il y a une introduction un peu plus normale, c'est la première partie, donc une introduction un peu plus claire. Mais ici, on va entendre autour de la table, donc il y a Lire et écrire Bruxelles, Le piment et la porte verte, et représenté avec Sandrine, Delphine Cabu, Jessica Mwenze, Victoria Debar, Renaud Tri-Kong et Aurélie Ackermann. Il y a aussi cette idée, comment à retenir sur cette campagne, c'est que aujourd'hui en Belgique, un adulte sur 10 a des difficultés à lire et à écrire un texte simple de la vie quotidienne. Et évidemment, ces personnes rencontrent des problèmes d'accès et d'utilisation des langages numériques. Voilà, on va approfondir le sujet ici autour de la table avec toutes les personnes que je viens de citer. Mais avant, on s'écoute une petite capsule sonore. Enfin, c'est plutôt une capsule vidéo. Mais là, vous comprendrez bien qu'avec la radio, ça devient sonore. Ça pose aucun problème, puisqu'on y entend Ivan Illich qui développe un tout petit bout d'une société sans école. Ce document, c'est un vieux document. Enfin, pas si vieux que ça, mais vous voyez, c'est pas un truc récent, là. C'est dans les années 70. Et ce qui c'est d'autant plus d'actualité. C'est dingue parce que ce type, il était vraiment bien éveillé sur son monde, sur le monde. Et il dit aussi, qu'apprend-on à l'école? On apprend que plus on y passe d'heures, plus on vaut cher sur le marché. Il dit aussi, à New York, les gens qui n'ont pas 12 années de scolarité sont considérés comme des infirmes. Ils deviennent inemployables et sont contrôlés par des travailleurs sociaux qui décident comment ils vont vivre. Soit, je m'arrête, on écoute Ivan Illich. Cette école que tu attaques, ça a été une des fonctions principales de notre progrès culturel et social. Comment peux-tu imaginer une société sans école? Mais avant de comprendre ou de parler de la société sans école, qui était la société de toutes les époques historiques et qui est la société dans laquelle vivent encore les trois quarts de l'humanité qui ne vont pas à l'école ou sont exclus par l'école après 1 an ou 2 ans, et dans ce sens, ils sont dans une condition pire, parce qu'à l'école, ils ont appris seulement qu'ils sont inférieurs à ceux qui sont avancés dans l'école. Il faut comprendre le mal que l'école fait. Maintenant, dans ce but, il faut distinguer clairement entre ce que l'élève ou son instituteur personnellement font dans certaines circonstances et ce que l'école structurellement, inévitablement fait. Quelquefois, un élève apprend quelque chose d'un instituteur. Et chacun de nous se rappelle que quelquefois, pendant sa jeunesse, il a eu une journée, une heure très illuminante avec un maître. Mais ça, c'est quelque chose de bien différent de ce que l'école enseigne dans le monde entier. Elle enseigne à l'enfant qu'il a besoin de l'institution pour apprendre. Il enseigne à l'enfant qu'il ne peut pas apprendre ce qu'un autre a jugé appartient à une classe supérieure. Il enseigne à l'enfant de se sentir classé par un bureaucrate. L'école enseigne inévitablement à l'enfant que l'enseignement que la société respectera est le produit d'une institution établie par cette institution et par des experts qui savent comment produire cette marchandise. L'école inévitablement introjecte le capitalisme, la capitalisation du savoir, parce que c'est le capitaliste en savoir qui peut démontrer avec des certificats ce qu'il a accumulé intérieurement, auquel la société reconnaît une valeur sociale supérieure à celui qui a des certificats d'action de niveau inférieur. L'école, dès le moment qu'elle est devenue obligatoire, et comme je t'ai dit, dans la majorité des pays, elle est obligatoire, mais insuffisante pour la grande majorité, même sur ce niveau obligatoire. Dans le monde entier, l'école a été établie comme l'organe reproductif de la société. La Russie se reproduit moyennant la même institution qu'utilisent les États-Unis. L'assistance, cependant 1000 heures par année, dans des groupements d'âge spécifique, d'une trentaine d'enfants autour d'un professeur, pour des années successives, pour accumuler intérieurement le savoir. L'école est à la racine d'une spiritualisation du capitalisme. Et il n'y a pas de possibilité d'alternative au capitalisme tant qu'on continue de capitaliser les gens en savoir pour une réalité qui devient toujours plus complexe pour pouvoir justifier la nécessité de cette capitalisation. En France, où l'école publique a été liée à toute la lutte pour le progrès, quand tu parles de déscolariser, les gens se disent mais il veut nous faire retourner à l'époque du Moyen-Âge. Je sais. Mais c'est tellement difficile de parler du capitalisme des biens non tangibles. Et les gens souvent ne comprennent pas qu'à travers l'école, et particulièrement l'école obligatoire, on a transformé la croissance, l'apprendre, l'épanouissement en résultat de la consommation d'un produit d'une grande institution de type international, l'école. On a traduit croissance personnelle en éducation qui est égale à scolarité. Et ça devrait être logique que, une fois qu'on fait cette traduction et la rendre obligatoire, l'éducation, le savoir même, devient une marchandise, même si elle est produite, comme dans la majorité des pays d'aujourd'hui, sous contrôle d'État, par un ministère. L'éducation, ou mieux encore, le savoir devient rare dès le moment qu'il devient une marchandise. J'entends bien que vous, ici, vous faites partie des gens où le lien, c'est important, se regarder dans les yeux, se déplacer, être en formation avec les gens. Vous ne voulez pas le faire via les écrans, quoi. Donc, ça veut dire que c'est chouette, vous serez dans la rue, j'espère, le jour où on imposera la chose. C'est ça aussi. Parce que. Mais moi, j'avais aussi envie plus, du coup, d'aborder. Allez, je vais essayer de bien l'expliquer. Je vais essayer de bien expliquer. Hein. Donc, lire et écrire. On parlait de ça au début. Après, on discutera de la campagne, de ce rassemblement, de cette diffusion, plus les étapes que vous mettez en place. Et vous interpellez aussi le gouvernement avec plusieurs questions, là, de voir qu'est-ce que vous voulez. Au fond, oui, on suppose, ça me semble évident, changer la donne, quoi. Plus de moyens, etc. Hein, on pourra rentrer dans le vif du sujet, mais Après, il y aura aussi des références vers lesquelles les gens qui écoutent peuvent aller voir tout ce qu'on dit aussi. Hein. Mais moi, j'avais plus envie d'aborder la chose aussi sous cet aspect-là. Alors, je vais essayer d'être la plus claire possible. Hein. C'est pas gagné. Mais donc, lire et écrire, on le disait au début, c'est super important d'avoir les bonnes bases, puisque ce sont les codes de la société moderne par lequel on apprend les choses. Allez, avant, t'as les bonnes bases, on va dire, tu sais lire, tu sais écrire, après, tu peux continuer à apprendre toute ta vie. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a des livres, vous voyez ce que je veux dire ? Le numérique. Oh, ok, Aurélie, tu disais que c'est pratique de pas aller à la banque. Mais c'est ça aussi les problèmes, c'est que c'est pratique de pas aller dans les magasins faire ses courses. C'est pratique. Enfin, tu vois, c'est toujours cet aspect pratique. Et pour finir, on se rend pas compte qu'on rogne une partie. Bon, j'exagère peut-être, mais on peut aller vers ça. Une partie de notre humanité. Vous me suivez jusque là ? Et que du coup, je lâche ça comme ça. Hein. Non, c'est que quand vous défendez le fait, il faut se battre pour que... moi, ça me parle, Gradiella, moi, ça me parle la précarité numérique, parce qu'il y a des gens, voilà, ils aimeraient bien avoir les outils. Mais vous, qui représentez quand même une grosse assoce, quoi, lire et écrire, le piment, enfin voilà, vous mettez tous ensemble, est-ce que vous n'avez pas plutôt envie... C'était peut-être une stratégie, quoi, de dire on a envie de se battre pour que les gens sachent lire et écrire et on continue là-dedans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et de pas partir vers le numérique alors qu'au fond, la base première, c'est quand même lire et écrire et de faire vraiment une stratégie intéressante. Je sais pas comment, tu vois, mais pour dire qu'au fond, le numérique, on en a besoin, c'est sûr, mais... Je veux dire, je dis ça parce qu'il y a des gens dans notre monde, dans notre système, vous savez, il y a les extrêmes, quoi, ceux qui veulent se déconnecter parce qu'ils sont trop connectés, vous voyez. Et de l'autre côté du spectre, vous avez des gens qui aimeraient bien juste, par exemple, voilà, il y a l'assistance sociale qui appelle et qui aimerait bien juste avoir des droits, vous voyez. Et parce qu'elle n'a pas accès à ces codes numériques, et ben, elle se trouve larguée. Ça va ? Vous me suivez encore ? Donc l'idée, c'était de dire. La base de la base, quoi, c'est quand même lire et écrire, quoi. Comme tu disais au début, et que ça aurait pu être une stratégie aussi de se dire, je sais pas comment, de dire qu'au fond, le numérique, mais au fond, la base de la base, c'est quand même lire et écrire, quoi. Tu comprends un peu là ? Je sais pas si je comprends, mais je vais dire ce que moi je comprends, en tout cas dans ce que tu viens de dire, c'est que, bien sûr que la base... reste la lecture et l'écriture. Mais il y a une autre chose aussi, qui est profondément attachée à nos actions aussi, c'est que les personnes qui sont en difficulté avec la lecture et l'écriture, qui pour l'instant n'ont pas toutes les compétences nécessaires, ne doivent pas rester sur le bord du chemin. Donc il y a un enjeu de prise en compte de ce public-là également, y compris dans la numérisation de la société ou sa non-numérisation. Et il y a un autre, ça va quand je le dis comme ça ? Et il y a une autre chose qui est très importante pour nous, c'est que les personnes, même si elles sont effectivement en difficulté avec l'écrit, elles doivent pouvoir poser des choix. Des choix comme n'importe quel citoyen. Je pense que c'est Victoria qui disait ça tout à l'heure. Elle disait, on peut choisir si on a envie... d'être connecté ou pas. C'est toi qui disais ça, Victoria. On peut choisir si on a envie d'être connecté ou pas connecté. On peut poser ses choix. On peut, voilà. Mais ces choix, ils doivent être valables pour tout le monde, y compris les personnes en difficulté avec l'écrit. Or, pour l'instant, ce choix, ils ne l'ont pas. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ces oubliés. C'est de dire, mais ces personnes-là qui sont actuellement en difficulté avec l'écrit ou bien qui n'ont pas le matériel adéquat chez elles ou bien qui n'ont pas accès à la connexion, qui doivent se payer des cartes prépayées en data, c'est ce qui coûte le plus cher pour activer un WhatsApp. Enfin, voilà, c'est ces choses-là. Ces personnes, on ne leur donne pas le choix. Elles sont... Oui, ça, j'ai bien compris. Voilà. Elles sont obligées de se débrouiller comme elles peuvent et quelque part, à nouveau, on les exclut une deuxième fois parce qu'elles sont déjà exclues de la société du fait de leurs difficultés avec la lecture et l'écriture, comme elles ont été exclues du système scolaire dans leur enfance, ou bien parce qu'elles n'ont pas fréquenté l'école quand elles étaient, c'est ce que disait Jessica tout à l'heure, quand elles étaient jeunes. Et on continue, on en remet à nouveau une couche, comme je disais, d'exclusion. C'est ça qu'on dénonce. Donc nous, c'est pas tant, entre guillemets, le combat, si je puis dire, de est-ce qu'il faut une société numérique ou pas, on n'est pas là-dedans, on est en train de dire la numérisation, nous, on n'est pas contre, mais on ne veut pas que ça rime avec exclusion, systématiquement, et notamment exclusion de ceux qui sont déjà exclus. Vous dites, j'ai l'impression que vous dites deux choses, vous parlez des gens qui sont exclus de cette numérisation, et vous parlez aussi de votre métier qui... vous ne voulez pas qu'il soit digitalisé, en gros. Vous voyez, vous parlez de deux choses. Mais c'est, les deux choses vont... Je vais aller vite, et parce que je voulais réagir, effectivement, parce que je trouvais ça intéressant. Les deux choses vont ensemble. Pourquoi ? Parce que la numérisation, la digitalisation s'adresse à des personnes déjà qui savent lire, écrire, voire apprendre toutes seules, qui savent... Cétric qui disait tout à l'heure, oui, parfois, pour installer l'un ou l'autre logiciel, j'ai difficile. Et moi, j'avais envie de lui dire, t'as difficile parce que c'est la première fois. Si tu t'intéresses au truc et que tu vas faire un peu des recherches sur des forums, en deux jours, c'est réglé. Je me trompe, Tri ? C'est ça. Parce que quand on est à l'aise avec Internet, on est à l'aise avec les apprentissages. On sait faire, on sait apprendre par soi-même, on sait... parce qu'on a été soi-même scolarisé suffisamment et qu'on a ces compétences. Les personnes qui sont en alpha, en alphabétisation, excusez-moi pour le jargon, ce qu'elles ont comme caractéristique, si je puis dire, c'est qu'elles n'ont pas appris à apprendre. Elles ne savent pas apprendre toutes seules. Elles n'ont pas les codes pour le faire, sinon... pourquoi tu dis qu'elles ne savent pas le faire toutes seules ? Mais parce que ça, c'est des choses qu'on développe dans les parcours scolaires. Donc, prendre un livre, c'est ce qu'on fait très vite, hein, pour apprendre. Aller sur un forum, aller lire les avis des autres, tout ça. Mais ça, quand on n'a pas appris à lire et à écrire dans un parcours scolaire, on est quasi incapable de mettre ça en œuvre tout seul. Voilà, oui, ça change des autres. On a besoin des autres. En fait, c'est ça le truc. On a besoin des autres et on a besoin d'apprendre avec les autres, de comprendre comment ça fonctionne, de mettre en place des mécanismes cognitifs. Et ça ne se fait pas comme ça. Et ça ne se fait pas derrière un écran. Sûrement pas. Ah. Bon, je vais répondre un peu à ce qu'elle dit. Tout ce qui est numérique, la base, c'est l'écrit. Pourquoi ? Parce que moi, récemment, je ne maîtrise pas bien tout ce qui est l'ordinateur et tout. C'est maintenant que j'apprends. Et j'ai une amie qui avait un problème, qui m'a appelé. Ah, c'est ça, je ne sais pas comment on fait. Elle dit, mais va sur Google, tape, mais je ne sais pas comment ça se passe, comment tu veux que j'aille chercher ça sur Google, tu vois. Donc, la base, d'abord, c'est de savoir lire et écrire. Quand tu sais lire et écrire, c'est chouette pour toi. Tu te sens vraiment tranquille, tu peux faire tout sur Internet. Mais quand tu ne sais pas comment il faut utiliser, tu en as besoin des aides des autres, faut m'aider. Les gens n'ont pas toujours resté là à t'aider chaque fois, tu vois. Non, moi, je pense que c'est d'abord lire et écrire d'abord, avant de... Numérique, c'est chic, mais c'est chouette, mais il faut savoir lire et écrire d'abord pour l'utiliser. C'est ça, c'était pour ça que je viens vers toi. Hein. C'était pour ça que l'idée de dire, la base de la base, c'est quand même lire et écrire. Après, il y a la numérisation, la digitalisation, et en plus... Vous voyez, c'est pas facile de mener la discussion parce qu'on parle d'une chose. Hein, vous voulez pas que votre boulot, vous les formateurs ici, devienne par écran. Vous avez besoin du contact aussi, enfin avec les apprenants évidemment. Et puis d'une autre part, on parle donc de la fracture numérique avec les gens qui ont pas les codes. C'est ça aussi. Alors oui, tout à fait. Hein, nous sommes d'accord que la base, c'est lire et écrire. Je rejoins totalement ce qui est dit. Mais la société évolue comme elle est. Et la numérisation, elle est là, qu'on veuille ou pas. Donc nous, on fonctionne à partir des besoins des apprenants et par des situations très, très simples. Il y a des formateurs qui viennent en disant « Ok, il y a tel apprenant qui a besoin d'apprendre un lexique par rapport à un virement ». Mais pourquoi on ne peut pas faire de virement ? Ça a été parlé, discuté auparavant. Hein. Parce que c'est dématérialisé, il n'y a plus le choix. Et donc maintenant, elle est contrainte de justement se débrouiller toute seule. Donc nous, en situation de cours, on essaye justement de créer un cours autour de ces besoins-là, en se disant, oui, en effet, c'est une nécessité, parce que la demande, elle est récurrente, ça peut être ce style-là ou d'autres styles. Hein. Et donc on essaye justement de pallier ces situations. Je crois qu'on l'a bien compris. Non, mais c'est parce qu'il y a de la demande également de nos apprenants. En effet, ce serait génial si on pouvait dire on ne fait que du français, c'est la base, voilà, on a des livres, on a des vidéos. Mais non, l'ordinateur, il s'immisce de plus en plus et il y en a qui disent « je veux apprendre à taper à l'ordinateur ». Moi, c'était ça que je voulais aussi un peu discuter et de prendre conscience. Tiens, lire et écrire, c'est super important, c'est quand même la base de tout. Et de dire, dans cette campagne, dans cette mobilisation, dans ce focus, de se dire, nous, on continue à mettre les choses en place pour que se lire et écrire soit encore mieux. Vous voyez, j'en sais rien, moi, c'est pas mon domaine. Mais c'est aussi la question de dire, il y a lire et écrire, et puis cette numérisation, cette digitalisation qui prend toute la place. Et aussi, comment vous vous positionnez par rapport à ça ? J'ai bien entendu que vous n'aviez pas envie de vous faire manger par la grande machine, mais... Vous voyez, c'est toutes ces questions-là, comment on fait. Évidemment, les outils technologiques sont là, sont présents. Mais comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Parce que vous pourriez aussi avoir une démarche en disant, comme on n'a pas envie de se faire manger, jusqu'à quel point on ne contribue pas à la machine dans laquelle elle va nous manger ? Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, c'est pas une question de... Enfin, voilà, nous, on a exprimé le fait que le lien social, c'est important pour nous. Mais le but ici, c'est, OK, lire et écrire, c'est la base, ça, on est d'accord. Mais je rejoins vraiment Aurélie qui dit que si tu ne fais pas en sorte que tes apprenantes aient les clés pour participer activement, si tu veux, entre guillemets, à la société, c'est-à-dire avoir les clés pour se débrouiller, faire une recherche, parce que ça veut dire... Alors quoi, du coup, tu limites ton apprentissage à quand tu es en cours. Et si toi, tu te poses une question chez toi, comment est-ce que tu fais pour chercher la réponse ? Non, là, tu t'égares. J'ai jamais dit... Oui, j'entends... C'est comme si tu... J'imagine bien que la personne qui a des difficultés pour avoir accès à telle chose vient en parler avec toi. Non, c'est pas ça que je dis. Mais c'est... Allez... Nous, je pense que ce qu'on veut tous, c'est l'émancipation des apprenantes. Donc, si tu leur donnes pas les clés vers cette émancipation et tu dis, juste lire et écrire, c'est vraiment que la base et on fait que ça. Non, mais elle est quand même énorme, cette base. Hein. Mais j'adore. C'est notre base, mais quand on part du constat qu'en fait... la précarité numérique, ça exclut encore plus, tu peux pas te dire, je vais la mettre de côté. Enfin, du coup, ça veut dire que tu as devant toi une exclusion et tu te dis, on va juste bosser sur... Non, là, c'est la caricature, c'est pas ça, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Voilà, mais justement, pour nous, ça vient en complément de ça. Et c'est pour ça qu'on essaie de mettre dans nos formations, justement, des formations à l'outil informatique, parce qu'on a conscience que... Dans ce chemin vers l'émancipation, ça vient se nourrir tous les deux. Tu as besoin de savoir lire et écrire, tu as besoin aussi d'avoir une formation, parce que c'est pas tout. Enfin, du coup, j'entends le truc de lire et écrire, c'est vraiment très important, oui, mais il y a tout un vocabulaire spécifique à l'informatique. Quand on te dit ouvrir ta boîte mail, faut savoir ce que ça implique. Ça veut dire comment tu arrives jusqu'à la boîte mail et tout ça. Et donc ça, c'est vraiment un apprentissage qu'il faut faire. Et on s'en rend compte, c'est en continu. Tu peux pas faire une formation en one shot une semaine et te dire on a donné toutes les bases. Non, c'est quelque chose qu'il faut continuellement utiliser, quoi. C'est quelque chose qui se fait sur la longueur, et c'est pour ça que nous on est en train de chercher un petit peu comment est-ce qu'on peut rendre ça sur le long terme et dans le quotidien, quoi, tu vois, que ça devienne pas des choses genre, voilà, t'as fait une fois une formation et c'est bon, enfin, check, c'est fait, quoi. C'est quelque chose qui doit devenir partie du quotidien. Et si tu le veux, du coup, pour moi, c'est vraiment ça important, cette question de choix, mais qu'au moins tu aies le choix. Pour moi, c'est, enfin, pour tellement d'autres sujets, c'est, voilà, t'as les clés, mais au moins t'as les clés et tu peux faire ton choix, aller consciemment, quoi, enfin, consciemment, toi-même, enfin. Tu peux faire le choix de payer par c'est ça quand tu dis le choix. Le choix d'être connecté à fond ou pas du tout et de pouvoir, enfin, c'est une question de choix et de pas subir en fait, parce que du coup, enfin, quand tu vois, t'es exclu au niveau voilà de lire et écrire, t'es exclu au niveau précarité, t'es exclu au niveau, enfin. Voilà, je vais pas rentrer dans d'autres sujets, mais je veux dire, tu peux subir un peu l'accumulation de précarité ou d'exclusion. Et donc voilà, nous, on s'est dit, bah voilà, on a décidé de travailler. Ça, on le fait depuis 1970. Enfin, pas moi personnellement, mais... 1970 7, je sais plus, il faut que je relise les souris. Et réécrire ou quoi? Non, nous, c'est le piment. Donc ça fait fort, fort longtemps. Et, mais voilà, enfin, nous, on a fait le choix aussi de combiner ça, parce qu'on se rend compte que c'est... C'est obligé, quoi. Donc, voilà. Mais quoi, et du coup, vous avez l'impression de contribuer à aider les gens, à faire qu'ils soient autonomes, à faire que s'ils veulent rester toute la journée sur Internet, ils peuvent Après, ça, c'est important. Je pense que c'est pour ça que c'est pas juste apprendre à aller sur une boîte mail, à faire une recherche sur Internet. C'est aussi... Je pense que Cédric qui avait parlé un peu des trois niveaux, si tu veux, dans la précarité numérique. Tu as le matériel, l'utilisation, et puis il y a un peu un autre volet de qu'est-ce que tu fais une fois que tu as accès à tout ça? Comment est-ce que tu fais le tri entre les fake news? Comment est-ce que tu sais reconnaître une arnaque? Parce que ça... Enfin voilà, t'as beau, une fois que tu as une adresse mail, tu as des gens qui t'envoient « oui, envoie-moi un chèque », machin, enfin, on connaît tout ça. Et ça, c'est aussi un apprentissage qu'il faut faire avec les apprenants, parce que c'est ben voilà, l'internet c'est un espace vaste, intéressant et dangereux aussi, et donc c'est aussi un apprentissage qui va plus loin que juste l'aspect pratique, quoi. Jusque lire et écrire. Voilà, tout à fait. Quelqu'un a envie de dire quelque chose? Quand tu disais lire et écrire, m'est revenu en tête une anecdote. C'était, je pense, il y a plus de 10 ans. Désolée. Hein. On avait monté un projet dont on était très fiers avec Banque 6, donc la société qui s'occupe du Banque Contact, vous voyez. Et on avait été là-bas, je ne me souviens plus où c'était, mais c'était super loin, ça nous avait pris quasi une journée. Et oui, c'était vraiment une aventure. Et alors, avec les groupes, on avait été là, et parce qu'ils mettaient à notre disposition un simulateur de Banque Contact où on pouvait s'entraîner. Et donc, alors on était super contents parce qu'on se disait, ben voilà, on va pouvoir aller avec les apprenants, les stagiaires, et on va faire ça bien à notre aise. Et c'était formidable, quoi. Donc, tu veux dire de savoir comment fonctionne le Banque Contact? Oui, simplement parce que ben, ça commençait à se mettre de plus en plus en place. Et effectivement, ben, les apprenants, comme Tri disait, les apprenants, ils viennent aussi avec des besoins très précis. Et nous, ils nous disaient, ben nous... on a difficile au Banque Contact, évidemment, quoi. Bon, bref. Donc, on monte ce projet, tout fier de nous. Et puis, voilà, donc, on fait des essais, des re-essais. Et tout le monde sort de là en disant, maintenant, c'est bien clair. On voit bien comment ça marche, le Banque Contact. Et donc, les apprenants sont repartis chez eux. Et puis, petit à petit, quand ils revenaient au cours, ils disaient... ça va pas parce que le Banque Contact de ma banque, c'est pas celui qu'il y avait là-bas qu'on a essayé, c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes touches. Et là, on retombe effectivement sur ce que tu disais, la base c'est bien lire et écrire, pour être capable notamment de lire n'importe quel Banque Contact. C'est en fait au tout début du, mais je pense qu'on a déjà oublié, au tout début du Banque Contact pour les retraits, c'était tous la même interface, et très vite chaque banque l'a mis à sa sauce. Et selon dans quelle banque on allait, tout était différent. Donc on est bien d'accord qu'on retombe sur les compétences de base de lecture-écriture pour s'en sortir. Ça, c'est évident. Mais au-delà de ça, moi, je voudrais aussi élargir considérablement le champ de la numérisation, parce que souvent on dit Internet, Internet, Internet, mais voilà, il y a le banc contact, il y a prendre les transports, il y a mettre à jour son dossier de chômage, il y a, comme je disais, prendre un rendez-vous médical, annuler un rendez-vous médical. Il y a des hôpitaux, maintenant, ça ne se fait plus que par Internet, annuler un rendez-vous médical, et si tu l'annules pas, tu payes. On en est là. Donc, c'est quand même... Et là, on n'est pas dans, une espèce de dichotomie entre une société avant la numérisation ou avant Internet, et puis une société... Non. Les choses sont effectivement en mouvement. On peut le regretter ou pas, mais on en est là. C'est-à-dire qu'il y a maintenant plein de choses qui ne sont pas, même pas allées surfer sur Internet, mais plein d'actes de la vie quotidienne qui demandent ces compétences-là. Ça, c'est important aussi que tu dises, quoi. Parce que et du si coup... on ne les a pas, on est pénalisé. Et comment on est pénalisé? Financièrement. Et là, c'est là qu'il faut vraiment que ça s'arrête. Pourquoi? Parce que nous, on travaille déjà avec un public qui, économiquement, est très précaire. Donc, 80% du public de lire et écrire n'a pas de revenus, ou bien est au chômage, ou bien est au CPAS. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des gens qui ont des moyens financiers formidables. Et c'est des gens qui vont être pénalisés financièrement, et d'abord financièrement, parce qu'ils n'ont pas accès soit au banc contact... Un retrait d'argent au guichet, c'est payant. Un virement, c'est payant. Une consultation non annulée par Internet, ça, c'est payant. Voilà. Là, c'est plus possible. Et pour gérer ta paperasse et compagnie, c'est horrible. Et là, on bute vraiment sur des choses qui deviennent insensées. Insensées. Qu'on mette comme ça, quelque part, en difficulté, davantage en difficulté, et je ne parle même pas. Et là, je suis hors confinement. Dans le confinement, ça s'est surmultiplié. Il y a des gens qui ont perdu leur CPAS ou leur chômage parce qu'ils n'étaient pas capables de faire les démarches sur Internet. Mais là, je parle même hors confinement. C'est ça, la société telle qu'elle est organisée maintenant, qui met de côté véritablement toute une partie. Donc, je répète, une personne sur 10, ce n'est pas n'importe quoi, c'est beaucoup dans une société. Une personne sur 10 ne sait pas lire et écrire. Oui, a des difficultés avec la lecture et l'écriture. Et donc, une personne sur 10, potentiellement, je parle bien des adultes, va rencontrer ce type de difficulté, soit avec un virement, un ticket de transport ou je ne sais quoi. Oui, c'est ça aussi que ça veut dire. Donc, une personne sur 10 a des difficultés à lire et écrire et donc a des difficultés à la... digitalisation, accès à ça, quoi, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. Maintenant, par exemple, je prends la STIB, hein, puisqu'on est à Bruxelles. Si tu prends ton ticket chez le conducteur du tram, tu payes plus cher. C'est le ticket le plus cher. Si tu veux payer moins cher, tu le prends à la borne. Et pour le prendre à la borne, il faut savoir lire et écrire. Ça ne va pas. Il y a un truc qui ne tourne pas rond. Ce n'est pas logique. Enfin, ce n'est pas correct. Pourquoi on doit... finalement pénaliser les personnes qui ont besoin du présentiel en les faisant payer plus, alors que c'est celles qui d'office ont déjà le moins de moyens. Et t'as trouvé la réponse ? Il faut absolument... Alors là, il faut que ça change. Alors, nous, on interpelle les politiques là-dessus, notamment parmi les 5 mesures urgentes qu'on a mis en place pour cette campagne, c'est une des mesures urgentes et concrètes, c'est ça, c'est qu'il faut absolument garder du présentiel dans les services publics et dans les services d'intérêt généraux, que ce soit les transports, tout ce qui est médical, tout ce qui est banque, la mutuelle, qu'on arrête. Alors, pendant le confinement, autre exemple, l'aide au remplissage de la feuille d'impôt a été supprimée. Voilà. Donc, qui va se retrouver avec des amendes à payer à nouveau, ça va être les personnes qui n'auront pas su remplir tout seul. Enfin, voilà. Donc, ça, il y a un moment, tu dis non. Ça, c'est pas tenable dans une société de creuser à ce point des inégalités et de le faire presque... Enfin, je ne vais pas dire sciemment, parce que je ne vais pas dire que derrière, il y a... Tu vois, je ne suis pas là-dedans, mais de dire... On ne se pose pas la question, mais pour... Enfin, voilà, il y a vraiment un questionnement par rapport à ça. Voilà. Alors qu'on voit que des réponses sont possibles. Récemment, là, il y a eu le Rail Pass que la SNCB vient de mettre en place, là, vous voyez, pour le confinement. Gratuit. Gratuit. Alors, il faut faire la demande sur Internet. Ok, donc on continue, toujours dans le même train, si je puis dire, le train de la numérisation, quel jeu de mots. Et puis quand même, mais je sais que ils ont été interpellés à ce niveau-là, ils ont mis en place un numéro de téléphone accessible, y compris le dimanche, de 7h à 9h30, de 7h du matin à 21h30. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Ah, quand même, génial !» Enfin, ils ont mis en place quelque chose d'accessible par tout à chacun, y compris par des gens qui ont des horaires de travail impossibles. Et puis, par téléphone, on est en capacité de faire cette démarche. Voilà. Donc, c'est possible, ça existe. Et donc, il faut continuer. Il faut continuer. Quoi, tu veux dire, c'est possible, ça existe? Ça veut dire que des gens n'ont pas laissé faire pour changer la donne? Dans ce cas-ci, le rail passe avec un numéro de téléphone, c'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire que le présentiel, même si c'est au travers d'un téléphone, c'est vrai que maintenant, on voit dans nos publics, tout le monde a un téléphone. Enfin, voilà. Ça reste, on va dire, une solution de rechange qui peut être acceptable dans certaines situations, peut-être sûrement pas toutes. Mais bon, voilà, par exemple, prendre un rendez-vous chez le médecin, ça ne peut pas être acceptable de pouvoir le faire seulement par Internet. Il faut pouvoir continuer de le faire par téléphone, ça c'est vraiment un minimum, voire évidemment en présentiel. Mais voilà, mais oui, le téléphone peut quand même être un premier moyen de remplacer une plateforme sur un écran. Mais quoi, et quelles sont alors aussi vos autres revendications par rapport aux politiques? Qu'est-ce que vous demandez alors? Alors, nous, on demande globalement, ce qu'on voudrait, c'est que la formation aux nouvelles technologies soit de plus en plus intégrée et financée dans les formations en alphabétisation. Ça veut dire qu'il faut renforcer le secteur, donc les associations, en matériel, en connexion, en salle et en formateurs formés pour le faire. Donc ça, c'est vraiment une chose essentielle. Donc là, c'est pour le secteur de l'alphabétisation. Tu voulais dire? Oui, je voulais dire, j'ai l'impression, mais peut-être j'ai n'importe quoi, qu'il y a des endroits où ils ont tous les ordinateurs qui sont là. Donc ça veut dire qu'il y a eu une conscientisation déjà de cette fracture, on va dire. Et pour finir, c'est un peu dans les tiroirs. Il y a pas le reste qui suit, quoi. T'as envie? Je vais. Tu réponds à la question là? Ouais, donc il y a des espaces publics numériques, donc des EPN, qui répondent en partie à la précarité numérique, parce que voilà, c'est pas nouveau. Hein, ça fait des années, comme tu dis, il y a 10 ans, c'était déjà là. Mais je pense qu'ils sont pas. Moi j'ai appris leur existence il y a peu, et un des problèmes qu'on m'a rapporté, c'est aussi la formation des informaticiens qui sont parfois sur place, qui n'ont parfois pas vraiment une formation pour s'adresser au public qui viendrait leur poser des questions. Ça va être parce que donc. Comme je disais tout à l'heure, il y a tout un processus aussi. C'est voilà, quand tu vas avoir donc tu dois faire quelque chose, tu dois savoir exprimer ce que tu veux. Ça aussi, c'est un informaticien public qui m'a expliqué. Il y a tout un travail de vocabulaire qu'il faut faire aussi autour de la formation pour pouvoir articuler tes demandes. Et parfois, je pense que Renaud peut attester, tu peux pas être formateur alpha comme ça. Ça s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas, je pense pas. Non, je pense que c'est. Tu dois comprendre comment ça fonctionne. Et je pense que, enfin, je vais pas tomber dans le cliché du nerd, mais non, là j'ai pas suivi. Oui, c'est l'informaticien, tu vois, un peu dans sa bulle. Mais je pense que voilà, quand tu t'adresses à un certain public, tu dois avoir conscience que tu t'adresses à ce public et tu dois faire preuve d'une certaine pédagogie. Et donc il y a des EPN qui fonctionnent comme ça, qui ont conscience du public auquel ils s'adressent ou le public qui vient chez eux, qui organisent des formations court, long terme, etc. et qui proposent aussi leur aide. Mais proposer son aide, on a bien vu, c'est pas suffisant parce que du coup ça te pousse pas à savoir le faire tout seul après. Mais donc il y a déjà ça en place, mais je pense que ça demande à être plus connu et plus formé aussi, de ce que je connais en tout cas. Voilà. Mais effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, Victoria. Ça fait partie de nos mesures concrètes et urgentes. c'est renforcer ces espaces numériques, les développer, en mettre plus, et aussi faire en sorte qu'ils soient ouverts à des horaires accessibles pour tout à chacun. Il y en a beaucoup qui sont dans des bibliothèques et qui sont accessibles que quelques heures par jour. Et donc, voilà, ce n'est pas forcément évident. Et il y a effectivement le volet que tu as évoqué de formation des personnes qui y travaillent, qui ne connaissent pas nécessairement le public en difficulté avec l'écrit. Mais il y a une autre revendication qui est peut-être la plus importante, c'est faire en sorte que c'est ce que je disais, c'est qu'au même titre que l'eau et l'électricité arrivent dans tous les foyers, il faut qu'Internet arrive dans tous les foyers de la même façon et que ce ne soit pas un choix économique. L'eau et l'électricité, c'est payant. L'eau et l'électricité, c'est payant, mais je veux dire, quand tu arrives dans un logement, tu as de l'eau et de l'électricité. Ce n'est pas un choix, ça fait partie des besoins fondamentaux de ton logement. Internet devient quelque part le même type de besoin. Et donc, il faut effectivement que les gens puissent avoir une connexion Internet. Bien sûr qu'elle sera payante, mais avec aussi des tarifs abordables. Et puis, voire même des kits informatiques. Donc, nous, on va jusque-là à dire, mais les personnes doivent pouvoir avoir des kits informatiques à leur disposition. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on l'a vu pendant le confinement, et Jessica et Sandrine en ont témoigné, c'est que quand on n'a pas le matériel. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Je vais dire pourquoi, parce que je pense aux enfants. Quand on n'a pas le matériel, on ne sait pas rester, par exemple, en contact avec sa formation quand on est en formation. Mais les enfants qui ont été confinés, à qui on a envoyé des devoirs à faire via Internet, mais la Fondation Roi Baudouin vient de sortir cette semaine une étude là-dessus. Il y a énormément d'enfants qui ont été laissés sur le côté dans le système scolaire actuel, faute de matériel. C'est pas tenable. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, pour nous, il faut absolument que chaque foyer bruxellois puisse avoir un accès à Internet comme on a de l'eau et de l'électricité. Moi, ce que je voulais juste dire avec cette eau électricité, c'est que si tu ne la payes pas, on te coupe l'eau. Et tu vois ce que je veux dire? Oui. Enfin, pendant le confinement, ils ont quand même, y a quand même eu des suspensions de coupures. Mais donc, voilà, c'est de pouvoir intégrer Internet dans quelque chose qui fait partie finalement d'une sorte de besoin fondamental et que ce soit plus... donc ça, c'est les trois mesures, en tout cas, pour favoriser l'accès de nos publics ou bien du secteur à tout ce qui est numérique. Et puis, il y a un autre volet, si je puis dire. Et donc, les deux, en fait, c'est ça, les deux cohabitent. C'est une vraie prise en compte des personnes en difficulté avec l'écrit dans le développement du numérique. Donc, comme je disais tantôt, le numérique, c'est de la lecture et de l'écriture. Pourquoi pas de l'image et du son? Pourquoi on demande toujours aux personnes de cliquer sur des mots? Ils pourraient cliquer sur des images, ils pourraient entendre des choses. Et ça permettrait déjà de rentrer d'une autre façon dans le numérique et de ne pas tout mettre en forme, voyez, avec... ça, c'est aussi une façon de le faire. Et puis aussi, j'en ai déjà parlé, le maintien des guichets, du présentiel, du face-à-face, avec un accueil de qualité. Parce que là, on aborde un autre volet qu'on connaît bien en alphabétisation, quand les apprenants nous racontent comment ils sont accueillis à la commune, ou que c'est pas toujours très respectueux, ou les personnes sont pas toujours très attentives aux difficultés, ou on peut leur dire, moi je suis pas là pour vous aider à écrire, tout ça, il faut que ça change. C'est un tabou, de pas savoir lire et écrire dans nos sociétés, ça reste un tabou, et les personnes qui ont ces difficultés sont encore très mal reçues, très mal perçues, tout ça, il faut que ça change. Et ça, c'est le monde d'après Covid. Moi, je suis partante pour que ça change. Je crois que tout le monde aussi ici. Mais comment faire pour que ça change? Parce qu'il ne suffit pas de le dire. Ça fait 8 ans que vous répétez votre... Ça fait 30 ans. À lire et écrire. Oui, lire et écrire, ça fait... Ça fait 30 ans que lire et écrire existe. Et que lire et écrire fait campagne tous les ans. Depuis 10 ans, là. Non, les campagnes, depuis le début. Ah oui, des campagnes, chaque fois, sur une thématique particulière. C'est ça. Mais non, ça ne change pas, et c'est un vrai problème. Vous avez encore bonne mine, et je ne vous trouve pas complètement aigrie. Mais que, c'est vrai, mais comment... L'année prochaine. Mais comment... Sérieux, c'est une question, je trouve, qui est intéressante. Chacun ici... Comment fais-tu pour... Enfin, ça n'est pas efficace. C'est efficace. Comment... Tu vois une influence, tu apportes ta petite pierre à l'édifice, tu es religieuse, mais il n'y a pas de souci, hein, moi, chacun. À quoi tu crois? Qu'est-ce qui te fait tenir debout? C'est quoi ta vitamine? Mais moi, je crois que je suis profondément optimiste. Je pense que, voilà, que les gens sont capables de comprendre, d'avancer. De faire les bons choix, je crois que oui, chacun à notre niveau, en tout cas, on apporte notre petite pierre à cet édifice, j'espère. Je crois que les choses vont finir par peut-être changer petit à petit. C'est la technique du tas de sable, je sais pas. La technique du tas de sable, je la connais pas. Non, je sais plus ce que c'est. De tas de sable, c'est ça qui me vient en tête, mais non, mais voilà, je crois qu'il faut pas baisser les bras, mais c'est vrai que on a besoin de plus en plus de plus de justice, de plus de solidarité, de plus de reconnaissance, de plus de des personnes qui sont en difficulté. Oui, mais voilà, il faut continuer de le dire et d'agir là où c'est possible de le faire. Voilà. Oui, et puis peut-être aussi de se mettre aller un moment dans la rue, interpeller peut-être les gouvernements. Non, c'est pas votre style à lire et écrire. C'est plutôt la campagne. L'année dernière, on était dans la rue. Cette année, bon, voilà, comme à cause du Covid, on n'a pas su aller dans la rue. C'est vrai que voilà, on fait peut-être pas assez de bruit. C'est possible. Peut-être qu'un jour, il faudra faire plus de bruit. Je sais pas. Moi, j'ai pas toutes les cartes en main, mais en tout cas, les miennes, celles qui me continuent d'y croire, c'est c'est le travail au jour le jour, au quotidien. C'est voilà, et de voir malgré tout qu'il y a des choses qui bougent un petit peu. Tout n'est pas non plus tout foutu. Enfin, j'espère. Et toi alors, Pi? Tri. Tri, pardon, Pi. Pas de soucis. Tri, Pi. Pas mal. C'est la question, sauf si tu as, sur tout ce qui s'est dit là, si tu as envie de dire quelque chose spontanément sur la numérisation, la précarisation, tout ce qui s'est dit, et après la question, et après comme ça chacun, et on arrivera à la fin, de dire quelles sont tes vitamines? Je ne prends pas vraiment de vitamines, mais par contre je souscris à ce que vient de dire Aurélie concernant justement la nécessité de lutter. Donc voilà, on est dans une société, là c'est moi qui parle, d'ailleurs c'est pas la porte verte, mais que j'estime de plus en plus individualiste malheureusement. On crée nos îlots de résistance et on fait au mieux. En essayant justement de créer plus de justice, on peut mal faire. J'espère qu'on fait bien, en tout cas pour moi. Je suis tout le temps en questionnement. Mais donc voilà, c'est important. Comme le dit Aurélie, chacun son niveau. Je travaille à mon niveau, en réfléchissant, en discutant et en voyant les situations qui se posent. Mais voilà, donc je me réveille le matin en étant confiant. Voilà. Tu es positif et tu trouves que ce que tu fais tous les matins, en te levant, en passant tes journées, ça a du sens pour toi. C'est pas parce qu'on pourrait tenir. Moi, je lance des j'ai pas d'avis. Hein. Je veux dire, c'est vous qui êtes dans le métier. Vous pourriez dire ça fait X années, j'en ai ras-le-bol, mais je tiens le coup. Je sais pas comment. Enfin, il y a plein de manières de dire les choses. Hein, mais tu es jeune aussi, toi. Oui, mais en fait, tu as dit le mot, tout simplement, du sens. Il faut du sens dans ce qu'on fait. J'estime que l'alphabétisation est un droit pour tout le monde. Et il faut faire en sorte que tout le monde puisse poser ses choix dans les principes d'éducation permanente, et voire de cohésion sociale. Peut-être accès à l'emploi aussi, hein, pour l'insertion socio-professionnelle. Donc tout compte. Ce sont les apprenants, les stagiaires avant tout. On se démène. D'ailleurs, petit aparté, je remercie les volontaires à la porte verte On fonctionne majoritairement avec des volontaires. Donc merci à eux, et merci à toute l'équipe, et merci à vous. Oh non, arrête de dire merci. Voilà. Et c'est tout. Bon. C'est la même chose, mais si tu as envie de réagir aussi sur ce que disaient nos discussions d'avant. Hein. Non, mais je ne vais pas dire merci alors. Mais... non, on a bien compris, merci, bonjour. Et non, ben, voilà. Non, dire... Ça fait un peu comme l'école des fans. Non, je ne vais pas dire merci au Covid parce qu'on ne va pas le remercier, mais je pense qu'on parlait du sens et de voir comment est-ce qu'on pouvait peut-être faire changer les choses. Ben, peut-être que le Covid, voilà, c'est terrible, mais peut-être que l'unique chose positive qui en est sortie, c'est que ça a permis de rendre visibles certaines choses qui étaient invisibles, peut-être plus qu'avant, j'ai l'impression, à mon niveau. Voilà, on a parlé de précarité numérique, moi je pense que ça a peut-être une manière de l'avoir rendu visible, alors qu'avant c'était complètement invisible, j'ai l'impression, en tout cas même par moi. Donc j'imagine qu'à d'autres niveaux aussi. Voilà, moi je pense que maintenant, moi je pense qu'il faut rendre visible, il faut gueuler, quoi. Voilà, je parle en mon nom, hein, peut-être pas au piment, mais... même si au piment, je pense qu'on est aussi d'accord avec ça, que maintenant, il est temps aussi de se faire entendre, quoi. Il est temps de se faire entendre. Je ne sais pas comment. Voilà, on a déjà commencé, en fait, avec les capsules vidéo. On a fait une carte blanche aussi. Lire, écrire le fait très bien aussi. Peut-être que, voilà, on doit faire des choses en plus encore. Hein. Mais voilà, moi, je pense que c'est ça. À titre personnel, je pense qu'il y a peut-être un modèle de société plus global à mettre en question, en général. Je pense que tout ça, c'est... Voilà, c'est entrecroisé, quoi. Et voilà, on parle de la numérisation, oui, ça, mais oui, pour moi, on est dans un modèle de société que je crois qu'il faut remettre en question profondément, vraiment très profondément. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Bah oui, c'est chacun en étant persuadé que... Enfin, moi, je suis persuadé que chacun a quelque chose à dire, quoi. Voilà, et c'est ça aussi... apprendre à lire et écrire, c'est aussi pour dire quelque chose. Et il faut aussi maintenant qu'on soit écouté. On espère que vous allez être écoutés avec cette campagne. Moi, j'aime bien ta question. C'est quoi ta vitamine ou qu'est-ce qui te fait lever le matin? Moi, des fois, j'ai pas envie de me lever le matin parce que, enfin, moi, c'est plus fluctuant. Il y a des fois où tu as l'impression que il y a trop de trucs qui vont pas dans la société, que je rejoins Renaud, qu'il faut pour moi fondamentalement remettre en question. Si c'est vrai que le Covid il a fait ressortir des inégalités, que ça soit au niveau de l'accès à la santé, aux soins de santé, accès aussi à un logement, tout ça c'est des droits fondamentaux qui sont passés à la trappe couramment pour certaines personnes. Et donc oui, je sais pas, je pense que le fait de faire ce projet là, de voir parfois certains changements, de faire ce projet là, c'est-à-dire travailler sur la précarité numérique et se dire que là franchement, je pense que je parle au nom de toute l'équipe, on est hyper content de voir à quel point en fait ça a été relayé, ça a pu faire bouger certaines choses, qu'on a reçu des réponses à ça, on a pu publier notre carte blanche aussi. Et donc la conscientisation de cette précarisation du numérique, quoi, ouais, c'est ça? Ouais. Je pense qu'on a agi du coup à notre échelle, mais je pense que c'est vers ça qu'il faut aller aussi, c'est visibiliser de plus en plus. Et pour moi aussi, c'est sortir du secteur, parce que quand tu parles d'un problème qui est un peu pas propre, mais quasi propre à un secteur, si on parle entre convaincus, tu vas pas très loin. Mmh. Et donc c'est pour ça que pour moi, il faut aller sortir de ça et dire voilà. Donc on parle souvent de ces précarités là, mais il y a aussi celle là et on va plus loin, quoi. Ça, c'est une bonne idée, hein, la chef Aurélie, sortir de l'entre-soi. Ouais, ça, je pense que c'est valable pour énormément de combats quand le féminisme, même s'il a plein de parties, c'est quelque chose qu'il faut sortir. Ça sert à rien de se parler entre convaincus, faut aller bousculer autour pour un peu secouer. Oui, ou en tout cas créer des liens aussi avec d'autres idées qui sont comme tu disais, je trouve le monde il va pas très bien, quoi, en ce moment. Ce serait peut-être intéressant de créer des liens tous ensemble et pas... Je pense que il y a ça aussi. Le Covid, il a quand même pas mal rassemblé. Enfin, ça a été horrible, on est tous d'accord, mais il y a eu quand même plein d'exemples de solidarité incroyables qui se sont manifester. Moi, des fois, je pleurais devant mon ordinateur tellement je trouvais ça, mais waouh. Arrête. Ah si, moi, attention, t'as parlé trop, hein. Tu pleurais devant quoi ? Tu pleurais devant quoi, par exemple ? Par exemple, il y a eu... Si tu veux pas dire, dis. Non, mais là, moi, j'aime bien parce que... Il y a eu des acteurs, des comédiens ou des comédiennes qui venaient déclamer aux portes de voisins, voisines, des messages qu'ils recevaient de la sœur, le voisin, on s'en fout. Plein de choses comme ça. Il y a eu tout ce qui s'est passé aussi dans certaines communes où il y a eu des colis alimentaires, des jeunes qui ne faisaient pas spécialement grand-chose, qui se sont mobilisés pour aller dire bonjour, ramener quelque chose, un petit truc. Il y a eu aussi tous les dessins qui ont été amenés dans les maisons de retraite aussi. Enfin, tout ça, je me suis dit, mais où est-ce que c'était passé, ça, avant ? Tu vois, on est capable de le faire. Et maintenant, après, on n'en parle plus. Mais voilà, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui se passe ? On est tout paniqué en moment de crise. On a l'air, mon Dieu, on est tout seul et tout. Et en fait, c'est ça... Enfin, voilà, on apporte quelque chose. Et puis, une fois qu'on a ce retour à la normale, on va retourner à nos habitudes de consommation, ici et ça. Et t'es là, mais non, là, on avait un terreau possible pour, justement, remettre en question ça, quoi. Donc, vive le confinement, le coronavirus, toutes les merdes qui peuvent y arriver dans le futur, ça va nous... Hein ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un point de départ pour des réflexions. Voilà. Et des actions. Voilà, oui. Mais franchement, toi, Déborah, c'est pas possible, j'ai un problème. Elle est bien sympa, Delphine. T'as envie de dire quelque chose sur tout ça ? C'est vrai, pourquoi pas ? Moi, je suis très contente de pouvoir contribuer à diffuser notre message, le message de lire et écrire, et faire en sorte que cette société change et qu'il y ait plus de prise en compte des besoins de personnes qui n'ont pas eu la chance de lire et écrire dans leur scolarité. Mais je suis assez nouvelle à lire et écrire, donc voilà, j'apprends de tous ces échanges, c'est très enrichissant. Mais où sont tous les vieux ? Ils sont partis ? C'était la période où on... C'était la... Comment on dit ? La cuvée, je sais pas moi... 2020, il y avait plein de vieux. Il y en a une ici, déjà, quand même. Une qui est restée, quand même. Parce qu'avoir des points de vue comme ça, tu sais... vous voyez ce que je veux dire ? Des points de vue, de pratiques, ça devient d'ailleurs rare. Hein. Les gens changent très vite. Mais avoir un point de vue de quelqu'un qui a l'expérience depuis 30 ans comme toi... mais bon, j'imagine que tu ne pourras pas tout dire aussi au micro. Hein. Il y a de la censure. On mettra les références pour trouver les vidéos. Comment on peut faire pour contribuer à quelque chose Le grand paradoxe de cette campagne, c'est que comme justement on ne peut pas aller dans l'espace public, la campagne a lieu essentiellement sur Facebook. Alors tu vas me dire, mais Aurélie, c'est quoi ce délire ? Alors, bon, on a beaucoup réfléchi avant de se lancer de cette façon-là. Et ce qu'on s'est dit, mais un peu comme disait Victoria, il faut qu'on sorte de notre entre-soi. Et aller sur Facebook, c'est aller à la rencontre des personnes connectées, qui sont sur Internet, qui ont l'habitude de ce mode de communication des réseaux sociaux, pour aller justement leur parler de cette réalité-là, des oubliés du numérique. Donc finalement, on s'est dit, on va essayer, c'est la première fois qu'on le fait, mais on s'est dit, là, de cette façon-là, on va... essayer de faire entendre notre message par d'autres. Alors Delphine, ça a été son travail sur la campagne, c'est de mettre en place un plan de communication sur Facebook. Alors dans le langage des jeunes, on dit booster, tu vois, pour faire en sorte que notre vidéo soit, nos vidéos, nos capsules soient vues par le plus grand nombre. Donc ça a été un des travaux spécifiques de Delphine. Sur cette campagne. Et donc, si on veut soutenir cette action, il faut... Alors, quand on est connecté sur Facebook, il faut aller sur notre Facebook, donc Lire et Écrire Bruxelles, liker, partager, les vidéos qui seront mises, il y en a 4 qui seront mises au fur et à mesure en ligne jusqu'au 8 septembre. On a aussi un filtre. Alors un filtre, c'est comme un autocollant qu'on colle sur son profil. Alors c'est un filtre 8 septembre, journée internationale de l'alpha, bah, qu'on peut adopter et mettre et demander à ses amis aussi de le mettre. Et puis si jamais on n'a pas de compte Facebook, ben on peut tout simplement aller sur notre site et partager le site, notre page de site, puisque là, on explique la campagne, on montre les vidéos aussi au fur et à mesure. Et là, ben voilà, on peut aussi faire circuler ça de façon plus, on va dire, classique, c'est-à-dire par email. Donc, mais voilà, les deux façons de relayer en tout cas le message et de le faire connaître. Eh bien, OK, en fait, tout ça, tout ce que tu viens d'expliquer, pour alerter, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais pour que le gouvernement prenne ça en considération et change un peu cette donne, quoi. C'est ça aussi, surtout. Bien sûr, c'est ce qu'on vise, hein. C'est à la fois informer, sensibiliser le grand public, mais aussi alerter les politiques et faire en sorte que cette société... deviennent, comme on dit hein, souvent, la société d'après-Covid. Hein, Renaud, il faisait allusion aussi. Ben oui, il faut que cette société d'après-Covid se pose des questions et qu'elle devienne enfin plus juste, plus solidaire, moins excluante, plus inclusive. Il y a du boulot, mais il y a moyen. Oui, il y a moyen, mais peut-être pas en mettant des autocollants et en faisant des partages sur Facebook. Enfin, je sais pas. Hein. Non, mais par exemple, une dernière question. Les campagnes précédentes, quand vous avez fait campagne, est-ce que le politique a réagi? Est-ce qu'il y a eu des choses positives qui se sont déroulées suite à ça ou jamais ou... C'est toujours très difficile d'évaluer une campagne entre le moment où on a fait la campagne et le moment où on peut dire « grâce à ça, il s'est passé ça ». Voilà, c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Ce serait chouette si c'était comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on peut évaluer une campagne. Mais bon, voilà, en même temps, moi, j'espère que, à force de taper sur ces clous, le message finisse par être de mieux en mieux entendu. J'espère. Merci en tout cas. Quelque chose, quelqu'un a envie de dire une dernière chose? Fini. Merci à vous.